Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix, traduction faite sur l'édition de Séville de 1702, publiée par les soins des Carmélites de Paris, librairie religieuse Houdin 1893, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 32. Du sixième genre de biens dans lesquels la volonté peut se réjouir, quelle est leur nature? Première division qu'on établit entre eux. L'unique but de notre ouvrage est d'apprendre à l'âme à faire un bon usage des biens spirituels, pour parvenir à l'union divine. Maintenant il nous reste à traiter du sixième genre de biens, c'est-à-dire des biens spirituels, qui contribue d'une manière plus spéciale à élever l'édifice de la perfection. Il faut donc, cher lecteur, que vous et moi nous prêtions une attention sérieuse à ce sujet. Plusieurs, par défaut de science, se servent des biens spirituels pour la seule satisfaction des sens, et leur esprit reste ainsi privé de tout fruit réel. La partie inférieure attire en elle l'eau féconde de la grâce, et l'empêche de parvenir jusqu'à l'esprit, qui demeure en proie à une désolante sécheresse et à l'angoisse du vide. À peine trouvera-t-on une personne qui échappe à cette tyrannie des sens. Mais venons-en à notre considération. J'entends par bien spirituel, tous ceux dont l'impulsion nous porte vers les choses divines, ou qui favorise les communications entre Dieu et l'âme, et entre l'âme et Dieu, dès le début. Je les distingue selon la division des genres les plus universels, et je dis qu'il y a deux sortes de biens spirituels, les uns sont agréables, les autres pénibles. Chaque sorte se subdivise en deux espèces, parmi ceux qui sont agréables. Les uns ont un objet clair et distinct, d'autres un objet obscur et confus. Il en est absolument de même pour les biens pénibles à la nature. Ils ont pour objet des choses tantôt claires et distinctes, tantôt obscures et confuses. Tous ces biens peuvent également se diviser selon la distinction des puissances de l'âme. Les uns sont des connaissances intellectuelles et appartiennent à l'entendement. Les autres sont des affections et s'appliquent à la volonté. D'autres enfin, en tant qu'imaginaires, entrent dans le domaine de la mémoire. Ajournons l'explication des biens douloureux, ils font partie de la nuit passive, c'est là que nous en parlerons. Mettons aussi de côté les biens agréables, que nous avons dit n'avoir pour objet que des choses confuses et obscures. Ils trouveront leur place ailleurs, lorsque nous traiterons de la connaissance générale, confuse et amoureuse, en laquelle se consomme l'union de l'âme avec Dieu. Au second livre, quand nous nous avons établi des divisions entre les connaissances de l'entendement, nous avons différé à dessein ce sujet, réservant de l'étudier dans le traité de la nuit obscure. Il faut actuellement nous entretenir des biens spirituels, qui remplissent l'âme de douceur et de satisfaction, et dont l'objet est clair et distinct. Chapitre 33. Des biens spirituels qui peuvent entrer dans la possession distincte de la mémoire et de l'entendement. Comment la volonté doit se comporter à l'égard de la joie qu'elle y trouve. S'il nous fallait énumérer la multitude des connaissances de la mémoire et de l'entendement, et enseigner à la volonté comment elle doit se comporter, à l'endroit de la jouissance que ses conceptions peuvent lui procurer, ce serait pour nous un très long travail, surtout après en avoir déjà amplement parlé dans le second livre et au commencement de celui-ci. Mais nous avons indiqué plus haut comment il importe de diriger ces deux puissances vers l'union divine. Il n'est donc pas utile d'y revenir, parce que la volonté doit se gouverner de la même manière, dans la jouissance que pourraient lui offrir ses conceptions. Le dépouillement de la mémoire et de l'entendement, par rapport à telle ou telle connaissance, est inséparable du renoncement de la volonté à la satisfaction qu'elle pourrait y puiser. Il suffit d'avertir, une fois pour toutes, qu'on doit observer la même ligne de conduite à l'égard des trois puissances. Au reste, les deux premières facultés de l'âme ne pouvant rien admettre, ni repousser sans le concours de la volonté, il est évident que la doctrine qui sert aux unes s'applique également à l'autre. Conformez-vous donc avec soin aux règles exposées dans le cours de cet ouvrage, vous éviterez les dangers et les dommages qu'encourt l'âme, si elle ne sait pas, au milieu de toutes ses connaissances, diriger vers Dieu la joie de la volonté. Chapitre 34. Des biens spirituels agréables qui peuvent être l'objet clair et distinct de la volonté. Combien il y en a de sortes? Nous pouvons réduire à quatre tous les genres de biens, dont la volonté peut distinctement se réjouir. Les premiers nous portent à la dévotion, les seconds nous y provoquent, les troisièmes nous dirigent vers ce but. Enfin les derniers nous y perfectionnent. Nous entrerons dans l'ordre qui vient d'être énoncé. Les biens qui produisent la dévotion sont les images, les portraits des saints, les oratoires et les cérémonies religieuses. Il peut se glisser beaucoup de présomption et de vanité dans les images et les tableaux des saints, néanmoins ils ont une grande importance relativement au culte divin, et ils sont d'une grande utilité pour exciter la volonté à la ferveur. L'approbation de notre mère la Sainte Église et l'usage qu'elle en fait, en sont une preuve incontestable. Aussi est-il toujours fort à propos de s'en servir pour sortir de notre tiédeur, mais, hélas, on ne voit que trop souvent des personnes d'une piété mal entendue, placer leur satisfaction dans la peinture et dans la décoration extérieure. Au lieu de s'attacher à l'objet de ces représentations, la Sainte Église se propose une double fin dans le culte des images, d'abord d'honorer par elle les saints, puis d'exciter la volonté et de réveiller la dévotion des fidèles. Quand les images pieuses font atteindre ce but, elles sont d'un grand profit et leur usage est vraiment utile. C'est pourquoi on doit choisir de préférence celle dont la représentation est plus saisissante et porte la volonté à une dévotion plus ardente. On doit placer ce motif en première ligne et reléguer au second rang l'habileté du travail et la valeur de l'ornementation. Comme je l'ai dit, plusieurs personnes font le contraire et considèrent dans l'image plutôt sa valeur et sa beauté artistique que l'objet invisible qu'elle représente. Quant à la dévotion intérieure et spirituelle, il n'en est pas question, c'est soi-disant dévots dépensent toute leur affection dans une recherche curieuse où se complaisent les sens, la joie et l'amour de la volonté restent alors absorbés dans ce plaisir, tandis que la véritable vie de l'esprit, qui détruit l'affection aux choses sensibles et distinctes, se perd absolument par cette conduite. N'y a-t-il pas de quoi gémir, en voyant l'usage étrange, adopté par certaines personnes de notre temps, encore éprises des vanités de ce monde? Elles ornent les images des saints de vêtements inventés par la mode, et s'en font un passe, tant pour contenter leur légèreté. Elles osent les affubler de parures qui seraient répréhensibles pour elles-mêmes, et contre lesquels les saints ont toujours protesté. Le démon est d'accord avec ces personnes pour canoniser ainsi leur vanité, en couvrant de leur luxe les statues des saints. N'est-ce pas là plutôt leur faire une insolente injure? C'est ainsi que s'éteint la piété solide et sérieuse, qui tend à rejeter toute vanité et à en éloigner même l'apparence. La dévotion ne consiste plus maintenant qu'en des ornements superflus, et en des soins curieux à l'égard des images et des statues artistement sculptées, dans lesquelles l'âme met la joie de son cœur. Vous verrez d'autres personnes qui ne se lassent pas d'entasser image sur image. Elles exigent qu'elles soient travaillées de telle manière, placées de telle et telle sorte et non pas autrement. À tout prix leurs sens doivent être satisfaits, et en résumé la dévotion de leur cœur est presque nulle. Le rattachement à ces objets ressemble à celui de Micha et de Laban pour leurs idoles. Le premier sortit de sa maison en jetant les hauts cris parce qu'on les lui enlevait, Judith 18, 24, et le second, après avoir parcouru un long chemin, et s'est remis dans une violente colère à leur sujet, bouleversa toute la tente de Jacob pour les retrouver, Genèse 31, 34. Une piété vraie fait de l'invisible l'objet principal de sa dévotion, elle n'a pas besoin d'un grand nombre d'images, et encore s'en sert-elle fort peu, dans ce choix. Elle donne la préférence à celle qui élève la pensée vers les choses futures, au lieu de la baisser vers les inanités d'ici-bas. Si elle les part, c'est avec modestie et cependant selon leur dignité actuelle, gardant pour elle même une semblable ligne de conduite, elle évite ainsi, non seulement que ses désirs soient émus par la figure de ce monde, mais encore elle ne veut pas que ces images lui en rappellent même le souvenir, offrant à ses regards des ajustements conformes aux frivolités humaines, loin d'attacher son amour aux images dont elle se sert, elle s'afflige fort peu si on les lui enlève. Car son unique ambition est de considérer dans le sanctuaire intime de son cœur, l'image vivante qui est le Christ crucifié, et elle se réjouit en lui de se voir privée de tout, lui soustrait. Ont les moyens les plus efficaces en apparence pour la porter à Dieu, sa peine n'en est pas troublée, d'ailleurs il y a une plus grande perfection à conserver une joyeuse tranquillité dans la privation de ses secours. Qu'à s'y attacher passionnément, je ne nie pas qu'il ne soit bon d'avoir recours aux images, pour favoriser la ferveur, au contraire, j'engage à choisir toujours celles qui nous y portent davantage, mais c'est une imperfection d'y être attaché avec esprit de propriété, au point de s'attrister si on nous les retire. Plus le cœur tient à une image ou à un secours sensible, moins il peut s'élever vers Dieu dans l'oraison. Parmi les images, celles qui représentent leur sujet avec plus de fidélité, provoquent sans doute davantage la dévotion. Il convient donc de préférer les unes aux autres, uniquement en vue de ce motif, mais il faut toujours éviter l'esprit de propriété, afin que l'âme traverse ses intermédiaires sans s'y arrêter, et monte vers Dieu. Libre de tout obstacle, cette manière d'agir retire au sens les secours sensibles, dans la jouissance desquels ils s'absorbent. Tous ces moyens sont des degrés, qui nous sont donnés pour gravir la montagne de la perfection. Malheureusement, ils deviennent par notre faiblesse un obstacle non moins considérable, peut-être, que l'attache à tout autre objet. Quelque difficile qu'il puisse être de comprendre cette doctrine du dénuement et de la pauvreté d'esprit, indispensable à la perfection, en ce qui concerne le culte des images, au moins se rater, on forcé de reconnaître l'imperfection très commune qui se glisse dans le choix des rosaires ou des chapelets, il est fort rare de trouver une personne qui n'ait à déplorer quelque faiblesse à ce sujet. On désire les avoir de telle forme et non de telle autre, d'une certaine couleur, d'un métal de préférence à un autre, avec tel ou tel ornement, etc. Cependant Dieu n'écoute pas plus favorablement les prières faites avec celui-ci qu'avec celui-là. La matière de l'objet n'est donc d'aucune importance, les seules prières assez puissantes pour pénétrer les cieux sont celles d'une âme simple et droite, dont l'unique prétention est le bon plaisir divin, et qui n'estime un chapelet qu'en raison des indulgences dont il est enrichi. Telle est la nature de notre vaine cupidité, qu'elle est ingénieuse à se forger des chaînes de tout. Aussi pouvons-nous la comparer au ver rongeur qui attaque les parties saines, et n'épargne dans son travail destructeur ni le bon ni le mauvais. Que signifie votre prédilection pour ce chapelet artistement travaillé, et pourquoi voulez-vous qu'il soit de cette même matière et non pas d'une autre ? Si ce n'est pas pour chercher à satisfaire ainsi votre goût, pourquoi choisissez-vous cette image de préférence à celle-là, par le motif futile de son prix et de sa beauté, sans songer si elle allume en vous le feu de l'amour divin? Certes, si vous employiez toute l'énergie de votre joie à plaire uniquement au Seigneur, ces accessoires vous seraient tout à fait indifférents, qu'il est douloureux de voir des personnes spirituelles attachées aux détails de ces moyens, à la forme et au travail de ces objets, ne se préoccuper que de satisfaire leur curiosité et leur vaine frivolité. Jamais vous ne les verrez contentes, elles laissent les uns pour prendre les autres, c'est un échange continuel où l'esprit de dévotion se perd, croyez-le. L'attache de la propriété ne change pas de caractère pour changer d'objet, elle est toujours mauvaise, soit qu'elle se porte sur ses biens spirituels ou sur les biens temporels, Dieu seul connaît la grandeur des dommages que les âmes en éprouvent.